Il y avait parmi eux une famille de grande réputation, car elle était nombreuse et plus fortunée que la plupart. Elle était gouvernée par une grand-mère, sévère et versée dans ce qui restait de la tradition ancienne. You sent me a letter last week. You're sitting in your cottage, desert from destiny, considering vaguely that the insert trip would free the new me at your consciousness as far as I can see. But what's about a change to the extroverted way? Diversion could be good for you, at least sometimes I'd say. Let's forget about philosophy, life is rough enough. Let's have some nice diversion, enjoy yourself and laugh. Ladies and champagne are there for you to give up pain. Zombies show the decadent syndrome. Naked lips are calling from the phone. We'll be right back. Le journal a été créé en septembre 2008 à l'initiative de militants de Combat Ouvrier et suite aussi au mouvement du CPE, des jeunes qui avaient participé au mouvement du CPE. Depuis septembre 2008, c'est un journal contestataire qui est écrit par des lycéens, des étudiants et des jeunes travailleurs et qui parle des problèmes des jeunes en Guadeloupe, à la fois dans les établissements, dans le monde du travail et plus aussi des sujets internationaux. Il sort tous les mois, on le vend à 30 centimes d'euros et tous les mois on vend plus d'un millier d'exemplaires et actuellement beaucoup plus, 2000 exemplaires. Dès le début, on a fait face à la répression des autorités qui voient vraiment d'un mauvais œil la liberté d'expression des jeunes. D'autant plus pour contester la société et donc dénoncer tous les manquements, surtout aux Antilles et on va dire dans les anciennes colonies de la France. Et donc ce qui nous arrive maintenant, ce n'est que la suite d'un long processus de répression et d'intimidation sur le journal et autour, sur les lecteurs et les membres même du journal Rebelle pour faire taire la jeunesse. off her, her drawers and get a little... C'est vrai qu'à partir de l'année 2011, on a été obligé de se transformer en une organisation qui se bat en fait pour la liberté d'expression et pour son droit à exister. On dénonce plusieurs problèmes qui viennent directement de ce que nous racontent les jeunes travailleurs, les lycéens, les étudiants. Par exemple, on dénonce l'état de la restauration scolaire ici dans les lycées en Guadeloupe et pas seulement dans les universités aussi, où ils ne sont pas capables de gérer ça correctement. On dénonce aussi l'état des bâtiments ici qui ne sont pas aux normes sismiques. Des blocs de béton tombent sans même qu'il y ait un séisme alors qu'on est dans une zone à forte sismicité. So sad, she's so sad, so sad, so sad. So sad, so sad, she's so sad. Thank you. Il y a aussi les violences physiques, verbales, les abus de pouvoir que subissent les jeunes en général dans les lycées. Ça part d'abus de pouvoir, d'intimidation, d'arbitraire, souvent de la part des chefs, quasiment tout le temps des chefs d'établissement. Et au niveau aussi de la contraception pour les jeunes, absence totale de distributeurs de préservatifs dans les lycées par exemple, alors qu'il y a un taux de sida très élevé ici. On dénonce aussi le harcèlement sexuel que subissent les jeunes filles et maintenant même les garçons au niveau des établissements scolaires, qui est un problème assez grave et que personne ne semble prendre en compte, mis à part les jeunes du journal Rebelle. Et nous on dit que cette situation ne peut plus durer. Et c'est pour ça en réalité, c'est parce qu'on dénonce tous ces problèmes que les autorités, notamment la préfecture, le rectorat, ont décidé que notre journal, il fallait qu'il disparaisse. Et pour ça qu'aujourd'hui on est devenu une organisation pour défendre notre droit à la liberté d'expression. Hunters and collectors, all come out at night. Hunters and collectors, never see the light. Hunters and collectors, all come out at night. Hunters and collectors, you'll never see the light. Watcher, it will all be up before the sun is up, and it will all be down before the moon goes down. Collectors, all come out at night. plus, un gros problème, c'est le taux de chômage ici chez les jeunes qui est de 60%, semblable au taux de chômage à La Réunion, en Martinique, au niveau de la jeunesse. Et tout ceci amène justement à la précarité chez les jeunes et des situations extrêmement graves. Et on se retrouve aussi dans une situation, par rapport à ce que Sony dénonçait, pour laquelle l'État français, pour ne pas mettre en place des dispositifs et dépenser de l'argent pour résoudre ces problèmes, préfère laisser les choses s'empirer. Pour ça, il doit s'appuyer sur des petits chefs locaux, notamment les chefs du rectorat, mais aussi des proviseurs dans les établissements, etc., pour dompter les élèves et leur faire comprendre qu'ils n'ont jamais raison face à l'autorité et même user de moyens illégaux pour faire pression sur les élèves. Donc c'est comme ça depuis des années, il y a eu des petits dictateurs dans les établissements qui décident de tout ce qu'ils veulent faire, enfin, ils n'ont aucun souci avec ça. We'll be right back.

Décider de mettre une amende de 750 euros à des élèves parce qu'ils sont absents, ils empochent l'argent. Plus tout ce qu'ils couvrent au niveau du harcèlement sexuel et ce qui se déroule dans les établissements. Et donc, nous on arrive dans cette situation où justement on commence à rapprocher de plus en plus de jeunes qui souhaitent dénoncer ces problèmes, et notamment les victimes déjà. Et naturellement en face, ils font tout pour cogner et cogner dur pour intimider les jeunes qui se rapprochent de nous et nous faire peur parce qu'on représente une menace à la stabilité qu'ils veulent instaurer en Guadeloupe et inculquer aux jeunes de toujours se coucher, de baisser la tête face à toute cette situation qui est inadmissible vis-à-vis de la jeunesse. I saw that. Head and shoulders. Dandruff warriors. Scalp and chips. Scalp chicken in the baskets. Head and shoulders. Dandruff warriors. Scalp and chips. Scalp chicken in the baskets. Bound to a life of ciggies. Toilet every 10 minutes. Your liver doesn't live at all. It's a gallstone with a small hole. Makeshift motion. Head and shoulders. Acid rain. Cheap lotions. Head and shoulders. Dandruff warriors. Scalp and chips. Scalp chicken in the baskets. Head and shoulders. Dandruff warriors. Scalp and chips. Scalp chicken in the baskets. Green rot at the bottom of the fence. Mobile mass. Palm trees, tents, temporary lights conduct the flow around permanent landslide. Jelly belly, dissonance. You know the image. You know the six pack. You know the big breasts. Head and shoulders. Dandruff warriors. Scalp chips. Scalp chicken in the baskets. Head and shoulders. Dandruff warriors. Scalp chips. Scalp chicken in the baskets. My body's turning me on. I've got a touch on. My body's turning me on. I've got a touch on. Yannick, Yannick, Yannick, Yannick. Take it on town, it's on the skies. The layer of night, it's caked in the size. Take it on past the eyes, no match. The layer of night and underpass. Head and shoulders, head and shoulders, head and shoulders, head and shoulders, head and shoulders, head and shoulders. Head and shoulders, head and shoulders, head and shoulders, head and shoulders, head and shoulders, head and shoulders. Over the Toblerone, secret icebox. All the heroes are like mine in a packet. Mid flavour, no zeros, habit culture. Back on the phone, back on the phones. Working torture. You don't mind, I don't mind. Mortal, down yours, down mine. Diana Dawes, it's free money. Head and shoulders. Dandruff warriors. Scalp and chips. Scalp chicken in the baskets. Head and shoulders. Dandruff warriors. Scalp and chips. Scalp chicken in the baskets. Head and shoulders. Come together, free. Everybody, get together. de tout ça, au niveau de la formation professionnelle, il ferme pratiquement tous les centres de formation. Ce qu'il réserve aux jeunes qui ont des problèmes de diplôme ou qui ont arrêté l'école, qui ont été foutus dehors de l'école, je devrais plutôt dire, c'est le RSMA, c'est-à-dire la formation professionnelle faite par les militaires et qu'il propose régulièrement aux jeunes, qui vraiment domptent les jeunes pour les faire s'engager. Nous dénonçons aussi ce fait-là qui est extrêmement grave, où nous retrouvons dans la plupart des guerres actuelles aussi un grand nombre de jeunes d'Omiens qui se retrouvent à faire la guerre pour l'État français, dont pas mal de victimes restent sur le carreau, sur le champ de bataille. The money that burned my hands to the profit and fame, to the mold of the bread that bends my back, and to the sperm that vibrates on my body, to the blade that will cut the sore fruit, to the blade that will cut my frozen chest. You have to be a man, 'cause I could have been sold, I was never able to. You have to love your sunsets and times. Your sleep got to run by one neck. You have to amuse me, 'cause I could have been sold, I was never able to. You have to love your sunsets and times. Your sleep got to run by one neck. Friends behind. is all that I have left. Yes. Yes. And I'm no longer afraid to dance tonight, 'cause that is all that I have left. Thank you all so sincerely much. Merci tout le monde. Enjoy the rest of the festival. It is a great one this year. Thank you. Merci. On ne reste pas cantonné à la Guadeloupe parce qu'on sait bien que le problème est mondial et que c'est tout un système qu'il faut remettre en cause. Et c'est le système capitaliste qui est la cause de tous les problèmes qu'il y a dans cette société. Alors c'est vrai que nous, on dénonce aussi le racisme, on dénonce le sexisme que subissent les femmes en général. Mais on cherche aussi vraiment à savoir les causes réelles et inciter déjà le maximum de jeunes à en discuter, à connaître leur point de vue sur telle ou telle chose, créer un mouvement vraiment contestataire de la jeunesse pour vraiment changer ce système. Mais c'est clair qu'au niveau de la répression qui s'abat sur nous, faut savoir que dès les premières ventes, c'est la police qu'on appelait pour nous, alors qu'on vend un journal lycéen, étudiant, jeune, que c'est notre droit, c'est la police qu'on appelle. Tell me about it, so